Les rassemblements pour célébrer le 7e congrès du Parti du Travail de Corée se sont déroulés dans les villes et arrondissements en présence des cadres des organismes du parti, du pouvoir, des établissements économiques, des organisations des travailleurs des usines, entreprises et fermes, ainsi que des jeunes étudiants des écoles supérieures. Les orateurs ont souligné que le dernier congrès du parti était un rendez-vous de la victoire et de la gloire, marquant une nouvelle apogée dans la lutte pour développer davantage notre parti et achever la cause révolutionnaire du Tse sous le drapeau du Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme de toute la société. Ils ont appelé tous les secteurs et toutes les unités d'activité à consolider les réalisations de la campagne des 70 jours pour opérer sans discontinuer innovation, progrès et offensive par l'esprit offensif indomptable de notre parti et la force de la primauté de la capacité de se renforcer soi-même et des sciences techniques afin de créer de nouveaux prodiges à l'époque de Malima.